France Inter. Le 6-7. 6h49 minutes sur France Inter. Le feuilleton matinal et musical de votre été. Hommage à la légende du rock, Elvis Presley. C'est Magic Elvis. Toute la semaine, Philippe Robin joue les guides dans le fief du King à Memphis. Et ce matin, on accède à un lieu tenu secret. Le premier étage de Graceland, la demeure du King. Après plusieurs jours passés ici à Graceland, je me dis qu'il est temps d'aborder les sujets qui dérangent un peu. Par exemple, malgré tous les efforts des organisateurs, énormément de personnes qui visitent le domaine d'Elvis Presley repartent avec un grand regret, ne pas avoir pu monter au premier étage de la maison, là où se trouvent ses pièces les plus intimes et là où s'est déroulé le drame le 16 août 1977. Ça, c'est vrai que c'est un petit peu frustrant, mais bon, il faut respect. Enfin, il y a le respect aussi, hein, étant donné que lui, il tenait à respecter son intimité. Ben, je pense qu'il faut respecter ça, quoi. On se dit que ça devait être assez sympa du haut. Ouais, c'est sûr que bon, la visite serait sympa certainement aussi en haut. Je pense que bon, je sais pas pourquoi on peut pas visiter. Mais... Il faisait pas monter ses amis dans ses appartements privés, mais les amis en bas, ils le sentaient marcher. Tu sais, quand il marchait sur le plancher en haut, ça bougeait. Alors on savait qu'il était là. I know you're a lonely woman and I love you. Someone else is waiting and he owns you. If he should ever wake up, show your story is straight love. If you talk in your sleep, don't mention my name. J'ai envie d'aborder le sujet avec Louise Smith, la cousine d'Elvis qui arrive vers moi. Elle et son mari, Jean, habitaient Graceland. Louise me place face à la maison et me décrit le premier étage. Nous avons vécu ici 5 années. La chambre d'Elvis est dans la partie droite et la nôtre était à gauche. Mon sentiment personnel, c'est que de laisser visiter le haut, ce serait manquer de respect à Elvis. Plus loin, je croise Angie Marquise, la responsable de la préservation des effets personnels d'Elvis, qui m'explique les raisons officielles de cette restriction. Le fait que le premier étage ne soit pas ouvert, ça rend la maison mythique. On a l'impression qu'Elvis vient de partir, comme à l'époque. Et dans les années 60 ou 70, le haut était privé. Personne ne pouvait monter, sauf si Elvis l'invitait personnellement. Nous préservons ce souhait aujourd'hui, donc je ne pense pas qu'on l'ouvrira. Malgré sa bonne foi, Angie me laisse avec un doute. Je me demande si on ne garde pas cette carte maîtresse en réserve au cas où un jour la fréquentation viendrait à baisser. C'est vrai que ce serait un formidable appât pour faire revenir tous les fans à Graceland. Un célèbre commerçant de Memphis, Bernard Lansky, vient de fêter ses 80 printemps. Et sur un ton malicieux, il semble confirmer cette idée. Ils vont l'ouvrir, ils en parlent. D'abord, il faut réparer et consolider l'escalier pour supporter le passage de tous ces gens. Et puis ensuite, ils ouvriront. Et ce sera fantastique, car encore plus de gens vont venir. L'avenir dira qui a raison. En attendant de pouvoir visiter la chambre d'Elvis, les vrais fans du King réservent la leur dans l'hôtel situé juste à côté de la maison de leur idole. Hôtel qui appartient à Elvis Presley Enterprise, évidemment, et qui s'appelle, ça ne s'invente pas, le Heartbreak Hotel. Well, since my baby left me, well, I found a new place to dwell. Well, it's down at the end of Lonely Street, that Heartbreak Hotel where I'll be just a lonely baby. Well, I'm so lonely, I'll be just so lonely, I could die. Although it's always crowded, you still can find some room for broken-hearted lovers to cry there in the gloom. I'll be so, I'll be just so lonely, baby, I'll be just so lonely, I'll be just so lonely, I could die. Keep flowing, the desk clerk's dressed in black. Well, they've been so long, lonely the street, and they'll never, never look back and think you're so, think you're so lonely, baby. Well, they're so lonely. Well, they're so lonely, and they could die. Well, if your baby leaves you, you've got a tale to tell. Well, just take a walk down the lonely street to Heartbreak Hotel. Magic Elvis, série signée Philippe Robin. La Radio Suisse Romande et les ateliers de création de Radio France associés à ce projet. Un projet initialement diffusé en 2007 à retrouver tous les matins d'été sur France Inter.